Clément. Bonjour Tenaille. Hey, comment tu vas? Je m'attendais pas à ça. Bah écoute, merci, ça va. Oui, c'est vrai. Je suis un petit peu dans le jus, je galère. D'ailleurs, comme tu peux le voir devant toi, regarde, je suis en retard de travaux. Ah oui, là, dis donc. Ah oui, ça manque un peu de ponçage là. Non, ça manque d'une bande surtout. Mais bon. Putain, mais ouais. Et oui, parce que on peut déplacer. Ça va, on sent pas le froid. On a déplacé le studio. On est dans une. On teste des trucs. Ouais. On a un peu tout transformé là. Par exemple, pour vous situer, on enregistre sur une porte. Ouais, dans une mezzanine. Non, une mansarde. Une mansarde. Ouais. Une mansarde, une mansarde. Moi, je sais pas, je vois pas les couleurs. Mansarde. Je vois pas les couleurs. D'accord. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite rétrochronique, afin de parler des groupes qui sont déjà venus au Hellfest, ouais. Qui ne viennent pas pour la première fois et que Tonaï, pour la plupart, ne connaissait pas. C'est vrai. L'intérêt d'avoir son retour à lui sur des petites découvertes ou des groupes qu'il connaît, mais dont vous n'entendrez pas parler dans la saison classique de RTH. Ça, c'est le concept de. Et donc, je te propose tout de suite de nous faire un petit générique parce que, comme je t'ai dit, je n'ai rien foutu. C'est vrai. Attends. Wow. Générique. Let's go. J'étais pas prêt. Je me renouvelle, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien joué, bien joué. T'es 4 prêts, si t'es pas content. Non, mais après, en plus, déjà, un énorme merci, parce que ce que les gens savent pas, c'est que tu as très très peu dormi, tu travaillais cette nuit, et là, il est 10h25, mais oui. T'es arrivé à 10h. Oui. Donc, t'as très très peu dormi. Non, donc, merci à toi. Pourquoi? Parce que je t'envoie un message pour dire, ouais, c'est bon, je suis réveillé. Bon, allez, vas-y, je te donne un quart d'heure, c'est cadeau. Et là, franchement, ça m'a touché. Et tu ne l'as pas pris. Et je l'ai pas pris. Et tu ne l'as pas pris. C'est vrai, je l'ai même pas ça pris. Va, ça va pas. C'est un truc à ce moment à me rendormir, donc. Oui, donc tu t'es dit, bon, on va pas prendre le risque, on va plutôt la faire en mode normal. Donc, on va commencer par un groupe qui est déjà venu plusieurs fois au Hellfest. Oula, attends, c'est le premier indice, celui-là? Ils viennent pour la quatrième fois. Ah oui. D'accord. Ça t'aide pas? Non, pas beaucoup. Non, bah non, voilà. Par élimination, peut-être, mais non, il m'aurait encore Stead, alors, c'est un groupe qui a déjà joué en Warzone. Ah. Qui va jouer en main stage. Ah bon? Ah. Ça arrive. D'accord. Qui vient de la Suède. Ah. Et qui est plus proche du punk hardcore. Bah ok, je l'ai. Ah. Tu penses à qui? Resolved. Non, pas du tout. Non, Resolve, c'est un groupe français. Et, ah oui. C'est comment on dit? C'est Refused. Ah, Refused! Bah ouais, Resolved, moi, n'importe quoi. Ah, désolé, c'est le matin. Ah, ça va être rigolo, du coup. Et tout de suite, un extrait. Alors, Refuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire des choses. Donc, c'est un groupe de punk hardcore, hardcore, post-hardcore, qui est arrivé aujourd'hui maintenant plus sur une espèce de métal alternatif, parce qu'ils sont devenus quand même, ils ont encore les racines hardcore au son de leur son, mais ils ont un peu évolué quand même vers quelque chose. Mais c'est pas surtout ça qui est le plus important avec Refuse, c'est que c'est un groupe qui a pété en plein vol. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils ont explosé en plein vol. En fait, c'est un groupe qui s'est formé. En plein vol, c'est-à-dire en plein boom, ou genre ils... En avion. Ah merde. Non, pas du tout. Ils ont le groupe a démarré en 91 dans vraiment une envie de faire du punk et du hardcore très très vénère. Mm-hmm. D'ailleurs, tu peux les écouter sur les premiers albums, ils sont surtout les deux premiers albums, il y a eu comme une espèce d'énergie et de un peu de vraiment racine où tu les sens, ils sont vénères et apparemment ils étaient même très vénères même à côté quoi. Ils avaient vraiment, tu sais, des valeurs à défendre et l'envie d'y aller, c'est des gens qui étaient très vraiment imprégné du message autant que de la musique. Ok, engagé quoi. Ouais, et vraiment avec une énergie sur scène hyper forte. T'as vu, je t'ai envoyé un live, je sais pas si t'as acheté une petite oreille. Une oreille, oui. Ah, c'est bien joué. Et en fait, avec leur troisième album, The Shape of Punk to Come, ils ont voulu un peu révolutionner le hardcore parce que même le hardcore commençait à le gonfler en fait. Ils en avaient même un peu marre de leur propre style et ils ont eu envie de un musicalement, peu. Musicalement, tu veux dire. Ouais, enfin, ouais. De plutôt du comment dire, de du mouvement, ouais, du mouvement, ah, voilà, ouais, okay, ils ont un peu plus été soit parce qu'ils ont eu marre que de voir les gens étaient pas assez énervés ou assez rebelles et tout ça, ouais. Et donc cet album, il est arrivé de cette un peu colère liée à leur propre style, en fait, qu'ils se rendaient compte d'être complices de ce truc là et ce qui fait qu'ils ont implosé en eux-mêmes, c'est que ça a été le début du succès vraiment énorme. Ils ont vraiment commencé à cartonner et eux, en fait, ils en ont eu autant marre du succès que de ce qu'ils étaient en train de devenir. ils ont vraiment, et ce troisième album en 98 a fait que le groupe s'est séparé. Ah, ils ont arrêté en 98 en mode, en fait, en gros, c'est limite, non, mais on est ridicule, regarde ce qu'on est en train de devenir, on est en train limite d'être contre ce qu'on est toujours en train de critiquer, donc ça va pas du tout, quoi. Donc okay. ils ont préféré arrêter là, quoi. Mm-hmm. Pour après avoir une réunion en 2012 à Coachella. Ok. Donc là où on les attendrait pas du tout, ils sont vraiment arrivés. Ils ont, en fait, en gros, c'est ce qu'ils expliquent dans des interviews, c'est quand eux, ils ont arrêté de se parler pendant 98 à 2012. Ils sont vraiment, enfin, c'est pas qu'ils sont vraiment arrêtés de se parler, ils ont arrêté de faire de la musique. Chacun faisait de la musique dans des groupes différents. Le chanteur, lui, il a pas arrêté de faire plein d'autres groupes à droite, à gauche, et des participations avec d'autres trucs. Il s'est pas vraiment arrêté. Les autres musiciens non plus. Il y en a un, il est directeur d'opéra. Il y en a un autre, il est auteur. Et ils font tous des trucs à côté. Et en fait, ils sont, si je me trompe pas, c'est le batteur qui a dû rester connecté un peu aux autres. Ok, c'est lui qui a gardé le lien un peu. En fait, ouais, ça doit être lui qui fait tac tac, parce qu'ils sont quand même issus un peu du même endroit en Suède, à savoir, c'est ce que je dis, putain, pourquoi je l'ai pas mis au bon endroit, d'Umeå. Et en fait, ils se connaissent tous parce que c'est un peu une petite ville. D'ailleurs, il faut savoir que, enfin, Umeå, il y a quand même aussi déjà Cult of Luna et Meshuggah qui viennent de là-bas. Okay. Donc c'est un petit endroit et pourtant il y a quand même des grands groupes qui sortent. Mais donc bref, ils arrivaient un peu à, on va dire, ils avaient encore un peu de contact sans se voir. Mais quand il y avait, ça faisait des années qu'ils recevaient des propositions pour se reformer. Et en fait, bah, c'est arrivé à Coachella sûrement à cause de la taille du chèque. Et donc en fait, c'était assez cohérent avec le nouveau Refuse, enfin le Refuse pas de ce 98, mais ce qu'ils voulaient amener aujourd'hui, de se dire bon, on peut jouer un peu partout. Ils étaient déjà dans l'ouverture musicale de, on va pas s'arrêter à jouer que dans des trucs. Eux, ils étaient prêts à aller jouer partout, ou alors c'est la taille du chèque qui a fait qu'ils étaient prêts à jouer partout. Okay. Bref, 2012, ils sont de retour, ils commencent à faire des tournées partout. C'est là aussi où ils sont venus au Hellfest en 2012. Donc ils ont fait plein de tournées, ils sont là, c'est reparti. Ils ont ressorti un album un peu dans cette foulée de 2015. Donc ça a mis un petit peu de temps, qui était, parce qu'au début, quand ils sont mis ensemble, c'était juste pour une poignée de dates. Ils devaient juste revenir et faire quelques concerts. Sans plus, sans aller plus loin. Et puis en fait, ils ont réussi à se retrouver parce que, comme lui, ce qu'il dit, mais en fait, on s'est pas vu pendant plus de 10-12 ans, mais on est des potes en fait, on a grandi ensemble et tout. Et là, aujourd'hui, ça a été très facile de se retrouver, quoi. Okay. Il y a juste à un moment donné, il y a un des membres qui a dégagé. Et en fait, même lui, il comprend pas, il dit bah apparemment, je fais plus partie de Refuse et tout. Genre, il a dû l'apprendre en 2014, si je dis pas de conneries. Ah oui, d'accord. Et le groupe a dit en fait, on comprend pas pourquoi il réagit comme ça parce qu'il est déjà plus dans le groupe depuis 2013. Donc, bref. <D'accord>. Et. Okay. Et donc Refuse s'est réarmé, ils ont continué. Ça s'est bien passé. Et en gros, si tu veux, ils sont revenus en 2012, mais c'était pas après les quelques dates, c'était pas le vrai retour de Refuse. C'est pour ça que l'album est sorti en 2015, parce que 2014 a été vraiment le moment. Ok, on est Refuse et on y va. Freedom sorti en 2015, ouais. Et le dernier en date. War Music, non ? Ouais, War Music, ouais, en 2019, qui a continué de les voir un petit peu partout. Et ce qui est intéressant. Alors moi, je les ai vus en 2019, c'était en Warzone. J'avais adoré la prestation. De mémoire, il y avait la bagarre et je crois qu'elle n'avait pas trop aimé. Mais c'est... Ah ouais. Ouais, de mémoire. Ouais. Bah, c'est peut-être pas assez violent pour elle. Parce que justement, Freedom, ouais, et War Music, on commence à voir justement, ouais, le côté un peu plus métal alternatif. Mm-hmm. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec leur venue en 2019, c'est que j'ai vu une interview du chanteur qui expliquait dès 2019. Hein, il disait, on lui demandait alors, ça a vu des groupes intéressants, et il dit, bah ouais, là j'ai vu, il y a Clutch, enfin il y a Clutch ou pas, c'est Clutch, non c'est pas Clutch, confond. Non, il voulait voir Clutch. Non, pas en 2019. Ah merde, comment il s'appelle, putain, le chanteur de Jane Addiction. J'oublie. Enfin bref, il voulait le voir, il voulait voir deux trois autres groupes, et il dit, mais par contre, ce que je comprends pas, c'est fou, il y a 180 groupes et il y a quasiment pas de femmes. Dès 2019, il est en train de te dire, c'est pas normal, faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes, qu'on milite là-dessus et tout ça. Et j'ai été hyper surpris de voir que le gars, toi, dès 2019, quoi, il ouvrait sa gueule sur ce sujet-là. Donc, c'est super, quoi. Le mec est vraiment un super gars. Il est vraiment engagé. Apparemment, il a l'air d'être vraiment, même s'il a, il a beaucoup d'acquittance avec, un groupe italien qui fait un peu de la musique électro dont je prononcerai pas le nom parce que je l'aime pas. J'avais été les voir justement, ils sont passés au Hellfest, ils avaient été programmés en Valais à l'époque et en fin de soirée dans les derniers groupes prononcés et moi je n'aime pas ce groupe et je veux pas en parler. Ce fameux groupe dont je ne dis pas le nom. Oui, voilà. Et donc là, ils ont annoncé cette année que c'était leur dernière tournée d'adieu. Là, ils arrêtaient pour de vrai. C'est fini. Okay. Ouais. Sachant que peut-être il y aura un album. Ça, j'ai pas trop fouillé là-dessus. Donc, mais ils arrêtent pour de bon. Donc, c'est la dernière tournée. Et en plus, le chanteur a fait une crise cardiaque l'année dernière. Il a failli rester, mais ça a été, il a été bien pris. On lui a juste dit oui, non, alors pas de rock'n'roll pendant 15 jours et c'est bon. Ouais, faut pas trop s'énerver. Ouais, voilà, si vous pouviez pas trop faire monter votre tension. Mais en plus, il est trop marrant parce que lui sur scène, il est un peu habillé comme un dandy et il a des mouvements pas trop de mec comme de la violence. Dandy. C'est-à-dire, il a un petit costume et tout. T'aurais regardé sur live, t'aurais vu le gars, il est en costume et il bouge pas comme un mec qui fait du hardcore qui va, tu sais, chercher c'est pas ce genre de violence. Ouais. Mais voilà. Ok. Il est pas trop vénère dans son attitude, quoi. Plus dans le ouais, un peu, ouais, c'est ça. Il est pas en venant chercher les gars pour se taper, plus dans l'énergie, mais comme en fait c'est ce qu'il expliquait aussi, on s'est pas vu pendant tant d'années, on s'est retrouvé et direct en live ça a marché parce qu'en fait cette énergie là elle vient de nous, c'est tout un truc comme ça. Et pour la petite info, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, et si tu l'as pas vu, tu vas tomber des nues, tu vas péter ton crâne comme disent les jeunes. Le 2 juillet 2019, il a été annoncé que Refuse s'associerait avec le développeur de jeux vidéo Cydic Red Project créé en enregistrant les musiques originales pour un jeu. Les membres de Refuse ont fourni la musique d'un groupe fictif, Samurai, dont le chanteur et guitariste Johnny Silverhand a été interprété par Keanu Reeves. Mm-hmm. Et en fait, c'est la voix du chanteur de Refuse. D'accord. Tu vois de quel jeu je parle ? Bah ouais, je l'ai saigné celui-là, c'est pas Cyberpunk. C'est Cyberpunk. Ah, okay, donc en fait, dans Cyberpunk, le groupe Samurai, c'est Refuse. D'accord. Okay. Les musiques, c'est Refuse. Ah ouais, le délire. Ouais. Ah ouais. Mais parce qu'en fait, c'est pas déconnant, parce qu'en plus, Refuse, sur leur retour de War Music et de Freedom, tu commences à voir un peu des petites acquittances électroniques, un petit peu. Il y a beaucoup plus de sons comme ça. Ok. Donc c'est pour ça que là tu tombes, là tu fais waouh, non, ça fait longtemps que je connais ça Refuse, mais grave, en fait je connaissais en fait. Et donc du coup la vraie question Tonight, c'est Refuse, toi t'en as pensé quoi? Eh ben j'ai plutôt bien aimé. Alors au début je vois punk hardcore, je dis bon vas-y, c'est pour ça que je voulais t'emmener là-dessus parce que je savais que c'est pas pareil. Et plutôt bonne surprise en fait. Plutôt bonne surprise parce que les premiers albums sont un petit peu plus punk hardcore, plutôt un peu plus dans la veine, mais déjà j'entendais quand même déjà quelque chose de, je sais pas si je peux dire nouveau, mais j'ai envie de dire nouveau un peu. Bah moi je l'entends surtout sur le troisième, moi je l'entends surtout le début de quelque chose d'autre, de voir, on va essayer de faire un autre truc quoi. Ouais. Mais ils avaient déjà une patte musicalement, rythmiquement et tout. Il y a un truc qui est peut-être pas si courant que ça dans tous les groupes de punk hardcore, peut-être de l'époque en plus, parce que après je suis pas spécialiste du style, mais bon j'ai commencé à en écouter un petit peu. Bah maintenant tu commences. Maintenant mais je lui trouve quand même un truc à ce groupe-là. Il y a quelque chose. Et tu vois, tu dis, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais parce que tu dis oui. ils sont engagés, sont un peu énervés, surtout dans leurs textes finalement, dans tous leurs engagements. Et ça peut s'entendre quand même qu'un groupe soit blasé, tu vois, parce que quand t'as un groupe et que tu fais de la musique, que t'as des messages, tu t'attends à ce qu'il y ait une réaction. Quand t'es vraiment investi, tu te dis voilà, je balance des messages, je veux que ça serve. Et peut-être qu'il n'était pas dans la démarche juste de faire bouger. Peut-être que derrière il voulait qu'il y ait quand même, je sais pas, un effet de masse, que derrière ça bouge. Et ça peut être blasant hein, pour quelqu'un qui est vraiment engagé, de voir que bon, au-delà de la scène, ça bouge pas, mais les choses changent pas. C'est peut-être ça aussi. C'est exactement ce que tu dis dans le sens où lui, je l'ai lu. Donc je l'ai vu dire dans une interview qu'il expliquait que. Ce qu'il se rend compte, c'est que à l'époque où il disait ces textes-là, les gens en prenaient pas compte. Et aujourd'hui, maintenant, ils s'en rendent compte et il dit bah c'est bien, ça avance, mais c'est vrai que il y a ce côté-là où il faut peut-être que les choses se fassent à un moment donné. Ouais. Aujourd'hui, ça bouge enfin quoi. Ouais. Mais t'as totalement raison. Ouais. C'est peut-être le problème aussi, c'est peut-être un peu les limites de l'engagement. Des messages par la musique, c'est que ça fait réfléchir, c'est machin. Mais est-ce que derrière ça bouge réellement? Ça peut faire éveiller des consciences, mais Après, bon, voilà. En tout cas, je peux comprendre que pour un groupe, tu sentes pas, en fait, le résultat de tous tes messages. Bah, il y a ça, il y a le côté où te retrouver d'être, peut-être devenir ce que tu critiquais à un moment donné. Ah, et oui, donc aussi, devenir une pièce de cet engrenage que tu veux un peu critiquer, te dire, mais attends, moi, j'ai pas commencé de la musique pour devenir cette espèce d'objet d'instrumentalisation et. Ouais, non, je peux comprendre que ça puisse créer une frustration, en tout cas. Mais en tout cas, c'est libre à eux d'avoir décidé d'arrêter à ce moment-là pour les bonnes raisons. Bah oui, oui. Après, il y a sûrement pas que ça, et il y a dû avoir aussi quelques excès dans le sens, ils sont peut-être trop donnés à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le fait est que c'est un groupe qui, tu vois, pareil, s'ils décident d'arrêter là, c'est sûrement pour les bonnes raisons aussi. Surtout que sachant, chacun a des choses à côté, en fait. Oui, techniquement, ils n'ont plus besoin de Refuse aujourd'hui. C'est ça qui est bien, c'est de voir que, par exemple, bah, celui qui dirige l'opéra, il y en a un autre qui fait aussi des musiques de films. Donc, en fait, ils peuvent venir tous ramener quelque chose de plus à Refuse. Et en même temps, bah, savoir que c'est plus une notion de « on a besoin de ce groupe-là pour vivre, on a décidé d'arrêter au bon moment, là, on le reprend ». Pour les raisons qu'ils reprennent, et après, bah, arrêtons une nouvelle fois, on met un terme à ça, et, ouais. Et ça va être la grosse nouba. Ouais. Donc, c'est pour ça que ma question au Tenaille, elle va être là. Alors, c'est en main stage, pas en Warzone, mais t'auras sûrement plus l'occasion de les voir avant une possible réunification avec ce temps. Ah oui. Surtout, je crois qu'il avait dit un truc, c'est le bon moment pour se réunir parce qu'on le refera plus après, on sera trop vieux. Alors, est-ce qu'il le fera ou le fera pas, mais. Ouais. Mais ça s'entend pas, par contre, hein. Non. Bah, en même temps, l'album date de 2019 aussi. C'est vrai qu'il c'est vrai que, ouais. On est en 2025, donc ça commence. Ouais. Alors du coup, j'ai écouté parce que apparemment The Shape of Punk, c'est celui-là, le troisième, c'est l'album, un album de renommée quand même. Ouais, bah oui, il est. En fait, ce qui est trop marrant, c'est que aujourd'hui, c'est un album qui est devenu culte. Ouais, voilà. Ouais. Alors qu'eux, ils avaient déjà arrêté en fait. Ouais. Donc si tu veux, ils ont pas. Ah oui, c'est devenu voilà. Culte bien après quoi. Bah en fait, ça a commencé justement avec ça. Ils ont commencé à péter partout. Eux, ils arrêtent à ce moment-là, mais l'album, il a continué de péter partout. Ouais. Donc c'est une espèce d'entre-deux super bizarre quoi. Ils sont arrêtés vraiment en plein vol quoi. Ouais. Donc, ils auraient pu devenir beaucoup plus gros s'ils avaient continué ou peut-être encore plus. En tout cas, j'étais content de découvrir ce groupe. C'est plutôt très cool. Ils sont bien choisis, les groupes. Ouais, hein. Ouais. Non, c'est, dis donc, j'ai vraiment de la chance, moi. Et puis, j'ai quasiment tout aimé parce que on retrouve cette patte, cette espèce d'énergie, et puis ce petit truc, quoi. Je sais pas, ça sort un peu du punk hardcore classique. Je te rejoins complètement parce que moi, normalement, tous les petits sons qu'ils mettent en plus sur les trucs, c'est le genre de truc qui me fait fuir et je sais pas pourquoi là ça marche. Ouais. Là, ça marche sur moi. Donc, très bonne surprise. Franchement, je pourrais être devant sans problème et à kiffer parce qu'en plus, c'est. Malgré tout ce que tu viens de dire, le côté engagement, tout ça, il y a quand même une énergie qui ressort, qui est plutôt, qui sent le positif quand même. Je sais pas. L'engagement n'est pas forcément négatif. Hein. Oui, non, c'est sûr. Ça fait positif sur positif. Non, mais c'est parce que tu disais vachement énervé, tout ça. Moi, j'entendais vraiment le côté énergique, vraiment assez speed, mais pas trop, et le côté énervé un petit peu moins. Alors, c'est vrai que mon anglais est un peu. Bancal, même très bancal. C'est pas grave, personne t'en tiendra rigueur. Je me flagelle de temps en temps, voir mon petit bonhomme tout glacé là. Oh non, putain. Oh là non. Il pleure, là il m'appelle. Oh non. Tu nous as oublié. Moi j'ai perdu ma série de 100 et quelques jours à cause de glaçage aussi. Mais bref. Oh, on s'écarte. Donc carrément, ouais, ça pourrait être un grand oui, hein, carrément. Ouais, j'ai bien aimé. Bah écoute, merci beaucoup Tenaille. Bah merci à toi, c'était un vrai plaisir. Et comme d'habitude. On se laisse là. On se dit à la prochaine. On se donne pas de date pour pas se mettre la pression. Ok. Bon allez. Ok. Bon. Hey. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Jack. Salut. Ciao Tenaille.